là, papa est là. Papa est là. Non, non, ça, c'est pas acceptable, ça. Ça, vous avez raison d'être en beau Christophe, vous avez raison, parce que là, c'est comme si tu serais rentré chez vous avec un âne tronçonné, puis elle aurait dit, écoute-moi bien, là, va dans ton coffre-fort, puis sors-moi 60 000, là, puis je vais venir te voler. C'est la même chose. C'est la même affaire, c'est la même chose. Son âme tronçonnée, c'était un crayon. Ça finissait sec, ça. Premier bloc en hommage aux armes à feu. On vient d'entendre Je range mon fusil de Faber E. Coyote. Artiste, chanteur country de la rive sud de Lévis, si je ne m'abuse. Chic type, chic bonhomme, un gars talentueux, un gars qui fait de l'excellente musique. pense que c'était une métaphore. Hein, et je range mon fusil. Il était question d'une relation homme-femme complexe. Hein, en chanson, les relations amour-femme, homme-femme, sont toujours complexes. On a également entendu « Mon gun, c'est mon fun », une chanson critique de la gendarmerie par le groupe Mise en demeure. Alors, ça racontait l'histoire des polices qui, oui, violentent des itinérants, mais aussi leur famille. Et effectivement, hein, périodiquement, comme ça à Montréal, il y a des sans-abri qui se font descendre. D'ailleurs, on a appris récemment, il y a eu un rapport, c'est rare qu'il y ait des rapports quand même sur les morts que fait la police, là. Et il y a eu un rapport sur un gars qui s'appelle Mario Hamel, qui, l'année dernière, il se promenait sur la rue Sainte-Catherine avec un couteau de Rambo, et puis il s'était fait descendre. Et puis le rapport a révélé que les policiers avaient tiré dans le dos. Alors, bravo les champions. On a également entendu Mao, tiré, c'est la chanson Mao du groupe Ludwig von 88. Est-ce que c'est une chanson premier niveau? Je ne le sais. Et on a entendu Boris Vian faisant Le Petit Commerce. Et c'était lui qui chantait. Ça arrive souvent que Boris Vian les interprète, mais là, cette fois-ci, c'est vraiment lui qui chantait. Qui racontait comme ça Le Petit Commerce, la vente d'armes, comment ça se passe, comment c'est charmant, comment c'est extraordinaire. Au sujet de Boris Vian, donc un artiste très, très intéressant, une vie palpitante, qui a marqué la littérature française. Vraiment un gars extraordinaire. Un de ses voisins, c'était évidemment l'incroyable. Je pense à deux affaires en même temps. Et je ne sais pas quoi dire. Musique. Son voisin, lorsqu'il habitait à Montmartre, le voisin de Boris Vian, c'était Jacques Prévert. Et en ce moment, c'est Québec à Dabra, là. C'est un genre d'événement plus ou moins intéressant qui se produit dans la ville de Québec. Et imaginez-vous qu'il y a une scène dédiée à Jacques Prévert en ce moment, où se trouve le consulat de France. Alors, allez voir ça. Ayez une petite pensée en même temps. C'est pour Boris Vian. Ils s'entendaient très bien, les deux poètes ensemble. Et au sujet de Québec-Adabra, en face de la station de Sécaillé, à travers la vitrine, on peut voir l'un des sites extraordinaires de Québec-Adabra qui se trouve sur un écran géant qui est situé sur la bibliothèque Gabriel-Leroy. Et c'est vraiment probablement l'affaire la plus moche que j'ai jamais vue de ma vie. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque des années 90, il y avait des affaires qui s'appelaient des screensavers. Maintenant, on a comme mis ça de côté, ça n'existe plus vraiment. En tout cas, plus personne n'en utilise. Quand on fait plus rien sur un ordinateur, il y a comme quelque chose, comme une scène qui apparaît à l'écran. Et il y avait un screensaver qui était très populaire, qui c'était comme un aquarium. Et là, c'est ça actuellement qui Québec-Adabra a présenté ça sur la façade de la bibliothèque Gabriel-Leroy. Bravo! Le poisson vert avance. Le poisson rouge avance aussi. Et les hippocampes avancent aussi. Thématique des armes à feu aujourd'hui au Cirque Aquatique Magique. Johnny Cash, Don't Take Your Guns to Town. A boy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He laughed and kissed his mom and said, "You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But But I wouldn't shoot without a cause. I'd gun nobody down. But she cried again as he rolled away. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand and tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down, and he heard again his mother's words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Bill with rage, then Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round and wondered at his final words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force, par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. On veut que toutes les guerres planétaires pourraient ensuite avoir lieu. Let's drink a toast to the Admiral, and here's to the Captain Bold. And glory more for the Commodore when the deeds of Mud are told. They stand to the deck through the battle's wreck when the great shells roar and pound. And never they fear when the foe is near to lay their orders down. But off with your hats and three times three for every sailor's son. For the men below who fight the foe, the men behind the guns. Oh, the men behind the guns. Their hearts are pounding heavy when they swing to port once more. With never enough of the greenback stuff, they start for the leave ashore. And you'd think perhaps the blue blouse chaps had better clothes to wear. For the uniforms of officers could hardly be compared. Warriors bowed with straps of gold that dazzle like the sun. Outshine the common sailor boys, the lads who serve the guns. Oh, the men behind the guns. But say not a word till the shot is heard that tells the fight is on. And the angry sound of another round says the must be gone. Over the deep and the deadly sweep, oh, the fire and the bursting shell. Where the very air is a mad despair, the throes of a living hell. And deep in a mighty ship unseen by the midday sun. Oh, you find the boys who make the noise, the lads who serve the guns. Oh, the men behind the guns. And well they know the cyclone blow loose from the cannon steel. And they know the hull of the enemy ship will quiver with the feel. And the decks will rock with a lightning shock and shake with a great recoil. While the sea grows red with the blood of the dead and swallows up her spoil. But not until the final ship has made her final run. And we give the rest to the very best, the lads who serve the guns, all the men behind the guns. So let's drink a toast to the admiral, and here's to the captain bold, and glory more for the commodore when the deeds of mine are told. They stand to the deck through the battle's wreck when the great shells roar and pound, and never they fear when the foe is near to lay their orders down. Il faut les soldats, les armées, les avions, des cuirassés. Leader Lawson Lucille faisait Automatic Weapons of the World. Une drôle de chanson. Beware of the surf when you're landing on the beach. C'est ça. C'est Leader Lawson Lucille qui se trouve être une sorte de personnage. Personnage d'une Autrichienne en salopette. On a également entendu Phil Hawk faisant une pièce tronquée qui s'appelle The Man Behind the Guns. C'est une genre de pièce de... une chanson de pirate, hein, si vous avez tendu l'oreille aux paroles. C'était vraiment une histoire de pirate, une histoire de bataille de bateau. Un peu épique. Et Johnny Cash nous faisait Don't Take Your Guns to Town de l'album The Man in Black. Johnny Cash, qui est un snorro, hein? Comment ça s'appelle le président des États-Unis à cette époque-là? Il s'appelait Nixon, Richard Nixon. Nixon, il pensait que Johnny Cash, c'était un gars de son bar. Alors, il l'a invité comme ça à un moment donné à chanter une chanson à la Maison-Blanche. Et Johnny Cash est arrivé avec sa guitare et il était supposé chanter une chanson extrêmement réactionnaire qui s'appelle Honky from Muskogee. Et finalement, il a joué la chanson The Man in Black, qui est une belle chanson touchante. Je vous invite à aller voir les paroles, puis vous allez réaliser un peu, peut-être, vous allez peut-être mieux comprendre qui était vraiment Johnny Cash. On est toujours dans la thématique armes à feu aujourd'hui au Cirque Aquatique Magique. François Gécouillard au micro. Donc les armes, faut en avoir partout. Faut en vendre beaucoup. Faut en acheter aussi. Faire rouler l'économie. Faut que les pauvres s'entretuent. Il faut que les vendeurs d'armes fassent de l'argent. Il faut mettre des armes dans les écoles, dans les universités. Et pourquoi pas dans les pouponnières, les garderies, dans les partout finalement. Partout. Et on continue avec trois pièces que j'ai appelées, un bloc que j'ai appelé Pistol Cobra. Pourquoi? Non, c'est pas l'image du dessin animé. C'est en hommage au style rockabilly, tiens, pourquoi pas. À la radio de la bonne humeur, c'est KIA 88.3. On commence avec une pièce qui s'appelle Loaded Gun. whip it on. And the way we're going to whip it on is with a group of exercises affectionately known as the Daily Seven. They are, number one, side straddle hops. Number two, trunk benders. Number three, toe touchers. Number four, bend and reach. Number five, trunk twisters. Number six, bend and thrust. And number seven, push-ups. Now we've talked about it, are you ready? Yes, sir! All right, then. Let's whip it on. Yes, we're going to start first with side straddle hops. Feet together, arms straight down to the side. Start on my count. Are you ready? Yes, sir! Exercise. Crier comme ça? Mais ça me fait un peu plaisir, moi, ça, pour moi. Ah oui? Ouais. Parce que je voudrais l'être là, moi, là, là. Puis je peux pas l'être. Je crie pour avoir pour eux autres. Parce qu'il m'arrête d'écrire sur mon claque. Crée-moi. Crée-moi. C'est bon, tu es tout. Ouais. Thank you. François Gécouillard, spécial Armes à feu ce soir au Cirque Aquatique Magique. On vient d'entendre les Hellcats qui faisaient la pièce Chicken Burger, Machine Guns and Pills. Groupe de Québec qui a œuvré pendant plusieurs années, qui n'existe plus, qui... Ils n'ont pas juste fait des pièces instrumentales, ils ont déjà fait aussi des pièces avec des paroles. Un esprit mordant, une inventivité dans le... dans la, l'orchestration. Très intéressant. Également, on a entendu Bikini Girls with Machine Guns avec le groupe Rentemplant, tiré de l'album The Songs The Cramps Told Us, Talked Us. Et on a entendu Loaded Gun de Reverend Horton Heat, groupe états-unien qui a connu beaucoup de succès. Groupe, il y a eu d'autres qui se qualifient de punkabilly, de country-fed punkabilly. Ils versent aussi un peu dans le psychobilly parfois. Ils ont connu un succès commercial important. Ils ont retrouvé plusieurs de leurs pièces dans des jeux vidéo. Par exemple, Tony Hawk Pro Skater, Guitar Hero 2, et aussi un drôle de jeu qui s'appelle Redneck Rampage. Ça, c'est un vieux jeu des années 90. C'est un peu quelle année que c'est ça? 1997. Et c'est un jeu où on joue des espèces de fermiers avec des... avec un... 12 tronqué. Et puis, si je ne m'abuse, il y a des extraterrestres et on boit de l'alcool. Et c'est un 3D shooter, donc vous avez compris, c'est une première personne. Et c'est pas un jeu très sophistiqué. Hein. Pensez un peu, mettons, à Duke Nukem. Et ce n'est pas fini, oh que non! On va laisser un peu de côté le thème, même si, curieusement, la prochaine pièce traite, encore une fois, d'armes à feu. Faut dire qu'il faut croire que c'est très imprégné dans la culture américaine. Trois pièces de rock féminin, tirées de l'album Rock'n'Roll Girls. On commence avec O'Neill. Yeah.

Quand on ne comprend pas une chose, que de sottises peut-on dire? Par exemple, la perte mensuelle de sang affaiblit, des boissons froides donnent des crampes, il est dangereux de prendre des bains ou des douches pendant les règles, c'est risqué de vous faire un shampoing à ce moment-là, l'exercice est mauvais pour vous, etc., etc. Tout cela est absurde et sans aucun fondement. Well, I've got a lover that moves my soul. He sure knows how to rock and roll. 'Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. He's a tough lover, yeah, yeah. Tough lover, uh-huh. When he kisses me, I get a thrill. But when he does that wiggle, I can't keep still. 'Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. A tough lover, yeah, yeah. Tough lover, uh-huh. The seven sisters have nothing on him. I'm talking about loving his fans. Ever come to pass, Don Juan ain't got a half of a chance. He can make you laugh, he can make you cry. He's so tough, he'll make Venus come alive. He can do anything that he wants to do. Step on Jesse James's blue suede shoes. 'Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. Tough lover, yeah, yeah. Tough lover. Hey, ça roquait-tu assez, cette affaire-là? Quatre, pas deux, pas trois, mais bien quatre pièces de l'album Rock'n'Roll Girls. Vous aurez compris que c'est une compilation d'albums regroupant des artistes féminins des années 50-60 environ. On a entendu Tough Lover, You're a Tough Lover, Lollipop. Que peut-être que vous avez déjà entendu l'air. Hein? Lollipop, lollipop, oh, lollipop. Et on a entendu aussi, quoi donc? Kiss Me, Honey, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Et O'Neill, une étrange chanson qui raconte l'histoire d'une histoire d'amour. Hein? Quoi d'autre? Puis à la fin, vraisemblablement, selon ce que je comprends de la chanson, la fille, elle se fait tirer dessus par son amour, qui arrive avec un shotgun. Et finalement, on comprend que c'est parce qu'elle chantait une chanson d'un album poche. En tout cas, c'est curieux. Petit spécial arme à feu aujourd'hui. Deux mots sur celle qui a chanté justement cette chanson mystérieuse-là, O'Neill. Cette femme qui a chanté s'appelait Carole King. Carole King, qu'on pourrait dire. Qui vient des États-Unis. Quand même une personne très intéressante. Curieusement, drôle de coïncidence, elle vient d'avoir justement son étoile sur le Hollywood Walk of Fame ce mois-ci. Et oui, oui, donc on la félicite. Bravo, Carole King. C'est une chanteuse, mais surtout une auteure exceptionnelle. Elle a écrit son premier hit à 18 ans. Elle a écrit énormément de hits, des chansons à succès. Et vraisemblablement, c'était aussi une activiste. Donc, elle s'intéressait aux questions environnementales depuis les années 70. Et elle a exercé, elle a milité dans certains groupes environnementaux. Et elle est active dans le Parti démocrate. Donc, voilà, elle a fait campagne pour John Kerry en 2003. Thank you. Et on va se laisser sur une... on va se laisser sur la pub, tiens, si vous voulez écouter cette émission ainsi que toutes les autres. jeunefou.blogspot.com. Sinon, ben, restez à l'antenne de CKIR 83 pour l'émission de Coconut Show.